Low. Je sors de mon trou, je vais à Laval. Je m'arrête manger un bout au Continental. Finalement j'avais soif, je commande un pastis du Val. Et là je te vois assis à une table dans ta robe de bal. C'est marrant, tu buvais un Continental. Tu vois, un Continental au Continental. Enfin bon, c'est une astuce. Je te l'ai dit d'un air jovial et tu m'as rendu un regard glacial. Généralement, c'est là qu'elle craque. Avec lui, c'est jamais trop tard. Oh, on va juste dire que j'aime faire la fête. Alors, le dossier de la chaise, j'ai empoigné. C'est marrant parce qu'un peu plus tard, tu m'as dit que c'était là que tu es né. Empoigné, enfin la ville quoi. Mais pour l'heure, c'est mon cœur que tu avais empoigné. Et ton verre également. Ce verre à moitié plein. Dans le but non fin de me le jeter au visage. Mais ce ne fut pas la fin, mais le début de notre amérage. Généralement, c'est là qu'elle craque. On va juste dire que j'aime faire la fête. Tu m'as dit blablabla. Moi je t'ai répondu ouais. Puis on s'est retrouvé au Pacha, quelque part, à Moulé. Tu m'as demandé t'habites à Laval, comme ça, pour meubler. Moi j'ai failli répondre m'habites-tu la ville. Jolie ville d'ailleurs. Et puis t'as regardé. Toi tu me regardes un peu moins. Faut dire qu'au bout de 15 continentales, t'avais un air bovin. C'était pas mon intention première, hein. Là. Bah, c'est une issue envisageable. Au 20e cocktail, tu m'as dit que tu rêverais de voyager. Moi, je t'ai répondu, c'est loin le Mans, bébé. Puis, t'es tombé dans mes bras, je me suis dit, c'est une ouverture. Bon, en fait, c'était juste un coma, overdose de biture. Enfin bon, coma c'est commun, j'ai bien vu dans tes yeux vides que tu souhaitais ce tissu torride. Alors je t'amenais dehors pour exprimer notre amour charnel. Dans un endroit confortable, le fond du parking, à côté des poubelles. Puis il y a cet ambulancier zélé qui est passé par là. Il a prétexté je sais pas quoi pour t'enlever à moi. Comme quoi t'allais crever si on t'hospitalisait pas. Puis comme il insistait, puis comme ils étaient trois, je l'ai laissé t'amener. Dans l'horreur, dans le froid. Loin de toi, loin de moi, et le ciel s'éclaire déjà. Bon, elle l'aurait jamais su. En fait, c'était ta cousine. Ah bon? Belle paire de loches. Disons que j'ai la mienne. Oh, ça c'est arrivé une fois à l'autoriverse et j'étais bourré. Quoi? Bon, ça suffit les filles là. C'est moi qui vous paye. Bon alors maintenant une fessée, un lait chaud et au lit. Ça suffit. On arrête.